Paris, pas Kingston. Paris. Rien à foutre d'en faire des tonnes. J'fais des sous sans vendre une tonne, reggaeton. Tu touches du bois quand j'touche la ferraille. Des textes pétris dans la chiquang. C'est pour ça que ma quinfritu fait rage. Agro, forte turbulence. J'ai une forte corpulence. J'suis dans un coin avec ma planche. J'attends la prochaine vague de violence. Un bon boulot de la pire espèce, ma gueule. Voiture allemande pour tamponner, un jour je serai regretté comme Michael. On me jalouse par des gosses enfantés par des femmes de joie. Je l'ai dit, entre le pire et le mal, y'a peu de choix. Possédé, mais il faut que Dieu me parraine. Toujours 6 contre 1 dans l'arène. Il faut que je mange tous mes ennemis avant le carême. Pas communautaire, même si j'apprécie peu le dicton blanc beurre noir. Si l'amour en t'aveugle, je m'en tire avec un œil au beurre noir. Escobar Maxon, loin des pulls à capuche, une sale crapule. Pour le reste, nique sa mère. Argent propre ou sale crache le camp, esco, l'alco, despora. Diaspora, on fait ça seulement, ça pue la diaspora. Argent propre ou sale crache le camp, esco, l'alco, despora. Diaspora, on fait ça seulement, ça pue la diaspora. Argent propre ou sale crache le camp, esco, l'alco, despora. Diaspora, on fait ça seulement, ça pue la diaspora. Les négros petits sont les best, best, best, best. La nature nous préfère, elle a dit au grand. Quand tu parles au petit, tu baisses la tête. Je veux pas qu'on me suce, mais qu'on me respecte distant. Car ces enculés jaloux finissent par mordre quand ils sucent la tête. Je t'en parle au joue, alors je prêche pas la belle. M'appelle pas mon chou, je suis une bombe sexuelle. Connasse, appelle-moi, pèse la dent. Oh, je peux pas être un chien, ils sont fidèles à leur maître, c'est con. Même quand c'est des violeurs de gosses, go. Non, je peux pas être un chien, c'est pas parce qu'il a jamais bougé que j'irai pisser en public sur un poteau. J'ai pour kiffer la SSL, j'ai plus d'amour pour les refrais, j'ai pour kiffer le sexuel, j'ai plus d'amour pour les rosseux, mais je me méfie des hommes, ils visent ta perte. Souris en réunion à chacune de tes défaites et t'appelles frère. Je me méfie des femmes, elles visent le cœur et les balles de revolver au sang au tube de rouge à lèvres. On se parle mais on se comprend pas et on finit par se tourner le dos. Ma vie sentimentale est sponsorisée par Kappa. Leur talent se fait violer. J'ai jure que j'ai jamais pédave. C'est mes punchlines qui me crament mes fruits. Leurs négros sont braves, mais visent trop le public de Sephora. Quand esco l'alco desporap, ça pue la diaspora. Leurs négros sont braves, mais visent trop le public de Sephora. Quand esco l'alco desporap, ça pue la diaspora. Leurs négros sont braves, mais visent trop le public de Sephora. Quand esco l'alco desporap, ça pue la diaspora. Ma vie m'inspire, des lyrics nuisibles comme l'air que tu respires. J'suis pas street, j'suis camerounais, j'peux te dire que c'est peut-être pire qu'on est des monstres. Et quiconque nous connaît peut garantir qu'on a les cervelles pour convertir et les poitrines pour amortir. Même des soi-disant numéro 1 savent qui on est. J'rappe pour ceux que l'on n'a pas fait laver pour plaire aux putes savonnées. Mais faut du pif, faut gueuler ça, you know. Payer pour donner des phrases choc comme c'est qu'est là. J'balance une rime, mes veines c'est pur. Mes boyaux durcissent, ça pue le joyau pur. Interdit aux naïfs et aux joyeuses putes qui ne payent qu'en black stupide ou en sus. Je suis ni lino ni pi, mais je sais ce qu'on peut endurer pour le noyau. Ça sent que je viens d'Afrique, moi je suis dur. Pour le noyau, j'ai les noyaux durs. Et je n'avance qu'avec des valeurs sûres. Entre nous on est des monstres, les mecs te frappent comme des percussionnistes et disent qu'il s'est rien passé comme des révisionnistes. Toute façon les temps de vous arrêter comme Despo. Un son de bambou là surarmé comme Esco. Regarde bien ta new school, regarde bien ce qu'on lui apporte et ose lui enlever nos faces de gang. T'es pas sérieux putain, tu viens dans putain. Un orteil, une Peugeot, un c'est un bête de top modèle. Argent propre ou sale crache le camp, Esco, l'alco desporap. Diaspora, on fait ça seulement, ça pue la diaspora. Argent propre ou sale crache le camp, Esco, l'alco desporap. Diaspora, on fait ça seulement, ça pue la diaspora. Argent propre ou sale crache le camp, Esco, l'alco desporap. Diaspora, on fait ça seulement, ça pue la diaspora.